Tout ce que tu as dans mon sens, donne-moi et pardonne-moi pour cette vie qui n'est qu'une apparence. Donne-moi, juste donne-moi tout ce que tu as dans ton cœur et ton âme. Donne-moi et pardonne-moi pour ce monde fou. Donne-moi et pardonne-moi pour ce moment.